Aujourd'hui à Assemblage Requis, Maxime Lemieux-Aramé nous fait ses suggestions musicales dans son blog Télécharge quoi? On vide la question de la censure. Et le téléphone de C'est fou reçoit Beast en entrevue. Et en plus, nous autres aussi, on va être là. Assemblage Requis, aujourd'hui, 15h.